revoilà, toi. Luna. Bah alors, bip. Bah c'est beau. Qu'est-ce que tu fais? Tu as placé. Tina Turner. François Feldman. What about this one? Gaz. On dit pas what accord, what corp. Je plus sur le stade. that song. Thank you.

Okay. Okay. Okay. Okay. One more time. I love it. Okay. Por favor. Bon, il y en a un qui se mute, un autre qui me saoule. Rémi n'a pas d'amis. C'est Rémi sans famille. Thank you. Kangourou. Thank you.